Почему это у мухосос пас? А салон и лаун, то что мизи, какой, шатвот, какой, шатвот. Jamais rien eu, mais j'ai toujours partagé. C'est Dieu qui donne, petit bâtard faut pas rager. Méfie-toi du fils de côté passager. C'est la crise, j'en manque d'amour et de cadet. Eh, eh, on les a niqués, eh, on les a niqués. Eh, on les a niqués, eh, on les a niqués. Eh, regarde-moi ces KV, hein, leur salaire dans des belles V, hein. J'suis avec le 6-9, tranquille, on vient juste d'arriver, hein. On fume le shit, on fume la Love 66. Ajoute tes K.13000 de pâte 06. Ouais, on les a niqués, eh, on les a niqués. Eh, cet été j'suis célibataire, on va tout niquer. Eh, on les a niqués. Que du sah mon poteau, c'est réel mon poteau. Ce soir on est dans le club, c'est carré comme un cube et on repart incognito. Si tu me suis à vie, ah, c'est ni, c'est ni, ah. Si tu me suis à vie, ah, c'est ni, c'est ni, ah. On fume la frappe du barrio, oh, très bello. On fume la frappe du barrio, oh, dans le terreau. Deuxième couplet dans le son, mais je vais vous la faire comme d'hab. J'ai mes poteaux en cellule avec qui je suis en contact. Qu'être un hacker en vrai de vrai ça paye pas. Faut d'abord prendre le secteur mais y'a les clics qui t'aiment pas. Ils t'aiment pas et c'est la vie. À sahbi fais pas qu'à zoubi. Je siffle tu les SFP et tu dis c'est moi qui les arbi. 6-9-1-3 tu connais dans la tête mais on n'est pas paumé. Dans tes cas faut pas déconner. Reconnu dans toutes les communes. Dans notre coin on va tout niquer. 4-5 pas en comité. Rio de Janeiro, Colombia dans ses gros tétés. Cabeleras et Pequeño, Tony Montana, Manolo. La vida loca, toxico, ça taille, je du haut délico. Wesh, qu'est-ce que tu crois ici, la vie c'est pas facile. Ça te cherche, ça va te fumer, pas à l'abri, même à domicile. C'est ça les rois, ils passent de l'Asie à l'asile. Donc péter toute la nuit, rentre chez eux à 6h pile. Si tu me suis à vie, ah, c'est